une histoire particulière. Grandir avec des frères et sœurs pimente quelque peu le quotidien. On oscille entre moments de grande complicité et chamaillerie partie de rien, ce qui rend la relation plutôt complexe. Et quand on parle d'échanges conflictuels, on a tendance à penser aux sœurs qui se disputeraient pour des histoires de vêtements ou de produits de maquillage empruntés. Une adolescente de 16 ans qui a partagé sur son compte Twitter une discussion plutôt mouvementée entretenue avec sa petite sœur âgée de 12 ans a été viralisée. Sous la publication, une simple question à laquelle répond évidemment la capture d'écran « Ça fait quoi d'avoir une sœur ?» L'influence de nos frères et sœurs est bien plus grande que nous l'imaginons. Ce que nous avons partagé dans l'enfance nous imprègne tous profondément. Entre fusion et rivalité, la fratrie construit notre identité. Tout de suite, Nejma Bouakra et Julie Béressi nous transportent dans une histoire de sœur qui aura marqué plus qu'une famille, toute une époque. Il y a deux policiers qui prennent sur eux d'escalader et de pénétrer à l'intérieur de la maison. Alors ces deux policiers s'appellent l'un Ragot, l'autre Vérité. Bon, ça ne s'invente pas. Et tous les deux donc sont plongés dans la pénombre. Alors d'où vient à ce moment-là le fait qu'il n'y a pas d'éclairage? Dans un premier temps, c'est un mystère et en même temps, ça attise aussi l'inquiétude ou l'angoisse. Ils vont donc chercher des bougies qu'ils allument et ils pénètrent dans la maison. Et à ce moment-là, dans l'escalier, sur les premières marches, ils aperçoivent quelque chose qui est un petit peu singulier. Ils ont des hésitations et ils se rendent compte que c'est un œil humain qui les attend et qui est posé au pied des marches. Les Sœurs Papin et le Troisième Œil. Un documentaire de Nejma Bouakra et Julie Béressi. Les deux victimes ont été énucléées. Et elles l'ont été non pas à l'aide d'un instrument, mais véritablement donc à l'aide tout simplement des mains des deux bonnes. Alors le médecin légiste qui a été chargé de l'enquête avait très peur de divulguer publiquement l'ensemble de ses résultats. Il a fait une plongée dans la littérature médico-légale existante et la seule trace qu'il a pu apercevoir à ce moment-là, c'est que dans un asile d'aliénés avant la Première Guerre mondiale, il y a bien un cas d'énucléation, mais à ce moment-là, c'est le propre aliéné qui lui-même s'est arraché à main nue un œil. Et donc du coup pour lui c'est quelque chose qui est totalement inédit. Donc arracher les yeux de ses patronnes de la part de Bonne, évidemment ça suscite la stupéfaction, c'est un crime hors du commun et il n'y a pas d'exemple dans les annales du crime qui permettrait de l'expliquer ou de faire un parallèle. Donc rien que ça évidemment ça sidère l'opinion publique nationale et même internationale puisqu'on parle de cette affaire de l'autre côté de l'Atlantique, même en Argentine. Un jour comme un autre, un fer à repasser qui grille, un court-circuit, des plombs à changer et deux bonnes dont la besogne s'arrête tout à coup. Le silence, des pas dans l'escalier, la maîtresse et sa fille entrent. Un carnage opéré méticuleusement par deux bonnes modèles, parfaitement obéissantes. 4 février 1933, le journal. Le cynisme des deux bonnes qui, au Mans, tuèrent leur patronne avec une férocité inouïe. Épisode 1. Deux bonnes dans une maison bourgeoise. Les sœurs Papin furent élevées au couvent du Mans, puis leur mère les plaça dans une maison bourgeoise de cette ville. La crainte, la fatigue, l'humiliation enfantaient lentement en elles la haine. Cet alcool très doux qui console en secret car il promet à la violence de lui adjoindre tôt ou tard la force physique. Le jour venu, Léa et Christine Papin rendirent sa monnaie au mal, une monnaie de fer rouge. Elles massacrèrent littéralement leur patronne, leur arrachant les yeux, leur écrasant la tête. Puis elles se lavèrent soigneusement et, délivrées, indifférentes, se couchèrent. La foudre était tombée, le bois brûlé, le soleil définitivement éteint. Le surréalisme au service de la Révolution. On dépose sur ce crime une grille de lecture qui va être utilisé politiquement, de manière sans doute intéressante pour ceux qui l'utilisent, mais en même temps... Jean Alouche, psychanalyste. On est très loin de rentrer dans la patte même du cas, qui fait qu'on peut avoir le sentiment de toucher à quelque chose. Chacun se l'approprie parce que chacun peut donner sa propre lecture. Et le journaliste, le détective qui est diligenté sur place, voit dans ce crime finalement le résultat de l'exploitation capitaliste. Frédéric Chauveau, historien. Il utilise même une expression dans le premier article qui a été publié en disant « Eh bien, ce sont deux garces qui ont été assassinés ». Voilà, l'expression donc, évidemment donc, est un petit peu outrancière, mais ça laisse porter la responsabilité du geste effroyable, non pas sur les bonnes, mais sur les patronnes qui n'ont pas forcément brutalisé leurs domestiques, mais qui ont été arrogantes et qui les ont humiliées. Et à l'époque, les imaginaires sociaux sont ceux effectivement de la lutte de classe. Il y a forcément donc affrontement entre deux catégories, les milieux populaires et puis les élites. Et là-dessus vient se greffer toute une série de slogans, le mur de l'argent. Les déshérités sont exploités par une classe dirigeante qui peut aussi donc manipuler de l'argent et ne pas respecter les règles communes. On pense au scandale de Panama. On pense au scandale de Panama, on pense aussi au krach de l'Union Générale et un certain nombre de scandales politico-financiers donc plus anciens qui datent d'avant la Première Guerre mondiale mais qui déjà donc ont imprimé une sorte de marque ou un vernis voilà qui va forcément donc faire que ces élites ont plus de mal parfois donc à s'imposer puisqu'elles apparaissent comme des personnages malhonnêtes. C'est la grande peur, quoi. C'est la grande peur de la révolte des domestiques contre les maîtres. Il y a cette dimension qui est quand même très très présente. Cette idée qu'il y a une vérité dans ce geste qui dit l'horreur de la condition domestique. Bertrand Ogilvie, philosophe. La condition domestique, elle est pas vécue comme une classe dangereuse, mais elle la côtoie quand même. Il y a la conscience à l'époque de ce qu'on appelait les classes dangereuses, bon, qui sont justement les prolétaires, les ouvriers, les apaches, les gens de la zone, etc. Bon, mais les domestiques, comme ils font encore partie de la maison, sont encore conçus comme faisant partie de la famille, mais en même temps, ce n'est pas vrai, il y a une distance insurmontable. Ils sont menaçants parce qu'ils sont dans la maison comme susceptibles d'être les étrangers qui vont la faire exploser. C'est quelque chose qui me semble assez fort, ça, à l'époque. Ils entendent tout, ils voient tout, ils sont là, les maîtres sont à la merci des domestiques, beaucoup plus que des classes ouvrières dont ils sont protégés par les grilles des usines. Février 1933, dans la ville du Mans. Est-ce qu'il fait froid comme aujourd'hui ? En février 1933, oui, la température est assez fraîche et il faut évidemment donc s'équiper si on veut donc sortir, arpenter donc les rues ou traverser les places. Alors ici, nous sommes rue de Bruyère, dans une rue plutôt grise si on se replonge dans les années 30. C'est une rue qui abrite un certain nombre de maisons respectables et cossues. Dans cette avenue se trouve la maison des époux Lancelin. Et c'est dans cette demeure que va se commettre le crime des sœurs Papin. Et puis dans cette ville du Mans, on a le sentiment un petit peu que c'est une ville qui est malgré tout, la plupart du temps, un petit peu donc assoupie. Et à l'intérieur de la ville, on trouve une bourgeoisie plutôt de notables venant des professions donc judiciaires ou juridiques, notamment des notaires, des avoués, des avocats. Alors la ville du Mans est une préfecture, donc elle a forcément donc son tribunal. Et à côté de ce tribunal, on a une activité juridique et judiciaire assez importante. Il y a une sociabilité de ces notables. On peut donc partager des dîners. Voilà, chacun se reçoit les uns chez les autres. Dans ces familles bourgeoises, on considérait qu'on était finalement relativement donc assez respectable si on avait deux bonnes. Si on n'en avait qu'une, ça voulait dire qu'on était déjà dans une situation économique un petit peu fragile et qu'on pouvait éventuellement donc déchoir. Il y a l'invention d'une condition très curieuse qui est une condition subalterne qui est à mi-chemin entre l'humain et l'objet. Quelqu'un qui est toujours là, donc qu'on connaît intimement dans ses habitudes, mais qu'on traite comme un animal domestique et qui est traité de façon plus ou moins affectueuse ou plus ou moins familière. C'est très intéressant cette limite, elle est presque dans la famille mais sans y être. Des êtres que tout rapproche et qui pourraient quasiment se confondre, mais il y a quelque chose fait qu'ils ne se confondent pas. Ces jeunes bonnes, elles sont un peu sous tutelle. Oui, elles sont sous tutelle. Elles sont placées de toute façon sous les directives de leur patronne. Elles ont le droit de sortir ? Oui, elles ont le droit de sortir, mais là aussi c'est à la discrétion des patrons et des patronnes, puisque il n'y a pas véritablement de législation qui protégerait, si je peux dire, donc les bonnes. On considère malgré tout qu'en général, elles doivent avoir au moins une journée de liberté dans la semaine, mais il peut y avoir des empiétements sur cette plage de liberté. Et on considère aussi que dans la journée, elles pouvaient aussi donc bénéficier d'un moment de repos pour récupérer ou éventuellement donc vaquer à des activités plus personnelles. Entrer dans une famille, c'est parfois presque perdre son nom quand on est domestique. Ah bah c'était même presque souvent toujours le cas. C'était un lieu commun de l'époque que les domestiques soient rebaptisés. Bon, il y a une perte totale de subjectivité. Il y a une quand ils rentrent dans une maison, en général, on leur donne le nom du domestique précédent. Comme ça évite d'inventer ou de changer ses habitudes. C'est un terme générique. La bonne s'appelle Marie. Voilà. Donc la nouvelle s'appelle Marie aussi. Bon. Alors c'est le bon vouloir qui va déterminer à ce moment-là les conditions donc de travail. Et si certaines n'ont pas connu d'autres situations ou d'autres postes, eh bien ce qu'elles vivent finalement leur semble tout à fait normal. C'est le lot commun de toutes les femmes qui sont domestiques et qui se placent dans des maisons bourgeoises. C'est une vie quand même de recluse pour les sœurs Papin. C'est vrai que la vie des sœurs Papin, c'est pas une vie d'ouverture comme on pourrait l'entendre. La vie des sœurs Papin, c'est une vie stricte, bien ordonnée, bien cadrée et qui sent pas l'ouverture. Isabelle Bedoué, auteur. Clémence Deray, la maman de Christine et de Léa, a toujours placé, déplacé, replacé ses filles. Donc, par exemple, quand Léa est sortie de l'orphelinat de Saint-Charles à l'âge de 13 ans, elle exerçait ses premières places avec sa mère en tant que domestique. La question du choix s'est jamais vraiment posée pour les filles. La mère les plaçait, les déplaçait, les replaçait et accessoirement touchait leur gage. Elle trouve une bonne famille, c'est-à-dire que aller dans une bonne famille, c'est se sauver peut-être de la turpitude, de la prostitution qui guette la jeune femme. Oui, c'est une famille correcte, oui, une famille où les choses se passent selon les règles de la morale traditionnelle et où effectivement elles sont traitées, je dirais, avec une distance, avec une espèce de froideur et de distance, de respect, qu'on doit à des domestiques, pas plus, mais ni moins. Voilà. Et on leur donne un travail bien défini, elles le font bien, les tâches sont claires, on ne leur demande pas d'outrepasser leur rôle. Voilà. Je crois que c'est ça qui fait pour elles le fait qu'elles jugent être dans une bonne famille. D'ailleurs, elles travaillent bien comme il faut. Tout à fait, ce sont des bonnes irréprochables. Christine et Léa ont toujours eu de bonnes références. Elles sont de très bonnes domestiques. Elles écoutent bien les ordres et elles se conforment très bien à ce qu'on leur demande. Les rapports sont si codifiés que Mademoiselle Lancelin ne peut pas parler aux domestiques. Seule Madame Lancelin est autorisée à parler aux domestiques. Tout est très réglé. Oui, mais ça, c'est propre à cette famille-là. Dans d'autres familles, il y avait d'autres types de codes, d'autres types de règles. Ça, c'est la psychopathologie de la famille Lancelin qu'il faudrait faire. C'est encore une autre affaire. On n'a pas beaucoup de documents sur eux, mais ils avaient l'air assez gratinés, si je puis dire, ceux-là aussi. Puisque j'y restais, c'est que j'y étais bien. Qui est Monsieur Lancelin ? Qui est le mari de la patronne ? Alors, on n'a pas beaucoup de renseignements sur la famille Lancelin, et d'ailleurs, je pense que ça a été voulu. Hein. On n'a pas fouillé les caves de la maison Lancelin. D'ailleurs, on n'a fait aucune vérification de l'emploi du temps de René Lancelin le 2 février 1933. Et donc, René Lancelin, c'est un ancien avoué. À l'époque, c'est le métier d'avocat aujourd'hui. Il a exercé cette fonction-là pendant une vingtaine d'années dans un cabinet au Mans. Donc, il avait, on va dire, au Mans, il avait quand même le bras long, René Lancelin. Il avait beaucoup d'amis et il était dans des sphères assez importantes. En fait, René Lancelin a quitté son métier d'avoué et est devenu un homme d'affaires industrieux. Donc, il a été administrateur de la Mutuelle Générale Française Vie et il a été commissaire aux comptes dans une vieille banque sartoise qui s'appelle le comptoir d'escompte. En 1931 éclate un scandale. C'est le scandale, disons, des mutuelles qui font faillite. Donc ce scandale pèse sur la ville et puis aussi sur un certain nombre de notables qui étaient considérés pas tout à fait comme les pères de la ville, mais en tout cas comme des personnages respectueux et qui sont suspectés d'avoir manipulé de l'argent sans beaucoup de précautions, de s'être enrichi aux dépens des petits porteurs. Donc là, évidemment, ça donne une impression particulière, une atmosphère pesante, une ambiance délétère dans la ville. Donc René Lancelin, au printemps 1931, il a été inquiété par la justice pour escroquerie avec ses collègues. Ils étaient plusieurs administrateurs, voilà. Il a été assigné devant le tribunal civil du Mans. Et la partie civile, à l'époque, avait réclamé 25 millions de dommages et intérêts. Et il y a eu aussi l'ouverture de deux instructions qui concernaient le comptoir d'escompte. Et René Lancelin et six autres responsables ont été concernés par ça. Il y avait 700 plaignants, dont des voisins de Lancelin qui habitaient la rue Bruyère. Alors, je pourrais plus vous dire les numéros de la maison. Les Lancelin habitent au 6, mais on va peut-être dire qu'au 4, au 8, au 10, il y avait des plaignants. Donc, on peut imaginer que le climat chez les Lancelin devait être très particulier. L'ambiance est, je pense que l'ambiance est agitée dans la famille Lancelin. C'est-à-dire que la mère et la fille qui sortent faire leurs courses dans le quartier, enfin, c'est l'hypercentre, donc tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente, tout le monde va chez le même boulanger. Enfin, c'est vraiment une vie de petit quartier. Et je pense, enfin, on peut imaginer quand même que ce qui se passe pour Lancelin, ça déteint à la maison. Et je pense que les domestiques aussi entendent parler. Et Christine et Léa Papin, bien entendu, entendent parler de cette histoire. Quand elles vont faire les courses pour leur patron, je pense qu'elles entendent ce qu'on dit de cette affaire, de ce qui se passe en tous les cas. J'aime mieux avoir la peau de mes patronnes plutôt que ce soit elle qui est la mienne. Le 2 février, les patronnes, selon l'expression des deux bonnes, étaient parties faire des courses et elles sont revenues donc à 17h le soir. Et c'est à ce moment-là qu'un drame effroyable s'est produit parce qu'elles ont été tuées par les deux sœurs. Et la scène de crime ne sera découverte qu'un petit peu plus tardivement, vers 19h, lorsque M. Lancelin, avec son beau-frère et puis des policiers, pénétreront à l'intérieur de la maison. Alors, un des personnages particuliers de cette affaire, qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre, mais qui mérite toute l'attention, c'est le greffier qui a accompagné donc le juge d'instruction pendant toute l'enquête. Ce greffier, c'est le greffier Boutier, et qui a suivi de façon donc particulière l'ensemble de l'affaire, à tel point qu'il a décidé, à un moment donné, de confectionner son propre dossier, un dossier donc parallèle par rapport au dossier d'instruction. On a notamment des photos particulièrement donc horrible, le regard peut pas rester longtemps sur celle-ci, c'est les photos des cadavres des deux patronnes. En principe, ces photographies devraient se trouver dans le dossier d'instruction qui est conservé donc aux archives départementales, puisque c'est le dossier qui permet donc après aux magistrats bien d'ouvrir les assises et de mener le procès. Donc ces photographies ont été soit mises de côté par le juge d'instruction, soit éventuellement soustraites du dossier officiel pour être conservées donc par le greffier. Donc la confection de ce dossier, de ce cahier par le greffier est en soi aussi une énigme quelque part. Il est possible qu'il ait subtilisé des photos. Enfin, disons qu'il se les ait appropriées. Parce qu'un greffier ne peut pas être suspecté de prévarication en fait. Quel est le moment où ça bascule? Alors, moi, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a aucune certitude pour l'affaire Papin. C'est une vraie fourmilière, on ne sait pas. De toute façon, même à la fin de l'instruction, après 5 mois d'instruction, on n'en sait pas plus. On ne sait pas vraiment aujourd'hui comment ça s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'elles sont allées faire une toilette au rez-de-chaussée, elles ont fermé la maison, les volets, et elles sont montées dans leur chambre, s'enfermées à double tour, jusqu'à l'arrivée de la police. Alors, lorsque monsieur ce Lancelin, avec ce qui l'accompagne, pénètre dans la maison de la rue Bruyère, il découvre la scène de crime et puis il se rend assez rapidement dans les étages, dans la chambre des bonnes où sont les deux sœurs. Donc il les découvre, elles sont toutes les deux blotties dans un lit, elles sont un petit peu donc enlacées. On le trouvera au pied de la fenêtre, elles se sont dépouillées de vêtements donc ensanglantés, salis ou tachés. Et à ce moment-là, c'est ce spectacle qui s'offre aux yeux de ceux qui viennent de pénétrer dans la chambre de bonne après avoir forcé la porte en faisant appel à un serrurier. Et à ce moment-là, il n'y a pas de doute pour l'ensemble des présents. Ce sont les deux sœurs qui ont commis le crime atroce dont ils viennent d'être, malgré eux, les témoins. Que disent les deux bonnes ? Les deux bonnes sont pratiquement donc mutiques à ce moment-là. Elles sont pas véritablement dans le déni, mais leur expression ou les mots qu'elles peuvent utiliser sont assez donc lapidaires, presque des onomatopées. Et c'est un petit peu plus tard dans la soirée où à ce moment-là, donc elles devront répondre à un interrogatoire donc en règle et elles vont pas se dérober. Elles vont reconnaître les faits. Oui, c'est elles qui sont responsables du crime terrible qui vient d'être commis. Est-ce qu'elles ont un mobile ? Alors, dans l'immédiat, on ne trouve pas de mobile. Pour ceux qui sont là, ils ne comprennent pas le mystère, la raison du passage à l'acte. Et c'est plus tardivement où plusieurs hypothèses seront avancées. Christine semblera dire qu'en fait, ce jour-là, elle était particulièrement énervée parce que le fer à repasser était une nouvelle fois donc tombé en panne. Donc évidemment, elle avait pris du retard dans son travail. Et Léa dira d'ailleurs que jamais elle avait vu sa sœur dans un tel état. Un détail, la maison est plongée dans le noir, le fer à repasser ne fonctionne pas. C'est un drame. Oui, c'est un drame. C'est ce qui apparaît un mobile extrêmement donc futile, dérisoire, pour massacrer deux femmes et faire un tel sort donc à leur cadavre. Et beaucoup plus tardivement, donc un électricien sera sollicité et il trouvera que en fait un des plombs était déplacé, mais il suffisait de le remettre en bonne place pour que l'électricité fonctionne. Et il en est de même du fer à repasser qui ne dysfonctionne pas à ce moment-là, mais qui peut au contraire être utilisé en l'état. Le Petit Journal, le 28 mars. Il est sans doute sans précédent que la curiosité déclenchée dans une ville par le grand procès ait induit le maire à prendre un arrêté spécial pour essayer d'endiguer, d'avance, le flot populaire. On attend pour demain l'arrêté du docteur Truel et de son confrère le docteur Baruch. Tous viennent étayer la thèse de l'expert Schutzenberger, le médecin de l'asile départemental, la pleine responsabilité des deux monstres. Pour le procureur Rigert, pas de pathologie dans cette affaire. De la psychologie simplement. Ce sont des chiennes hargneuses qui mordent la main quand on ne les caresse plus. Il préfère choisir que l'idée que ces deux sœurs sont deux criminels qui ont prémédité un acte de vengeance sociale. Bon, malgré toutes les apparences fantastiques de ce geste, plutôt que de s'affronter à l'incompréhensible de ce qui se produit. On comprend pourquoi, parce que un tel geste, il est réprimable par la répression policière ordinaire. Il est susceptible d'être sanctionné de façon à ce que ça impressionne d'autres domestiques qui pourraient avoir l'idée d'en faire autant, etc. On est dans une logique judiciaire qui est d'ailleurs tout à fait discutable, mais qui est classique. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, évidemment, la justice peut hésiter entre plusieurs qualifications. Est-ce que c'est un meurtre ou est-ce que c'est un assassinat ? C'est pas le même article du code pénal. Et si c'est un assassinat, ça veut dire à ce moment-là que c'est un geste qui a été prémédité, qui a été pensé, qui a été voulu. Alors que si c'est un meurtre, on considère qu'effectivement le passage à l'acte a été spontané et qu'il n'a pas été préparé préalablement. D'ailleurs, la justice, elle inventera en quelque sorte une catégorie qui est le crime de colère. Ce qui figure effectivement dans le dossier d'instruction, c'est ce qui sera finalement donc approprié par les magistrats et par le jury. Donc le crime de colère. Voilà, la vengeance sociale est beaucoup plus nette. Elle met l'accent sur une motivation rationnelle qu'on peut rattacher à des luttes politiques. Bon. Il est clair que la folie est finalement repoussée par les instances judiciaires comme étant plus dangereuse que le crime social, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ils ont préféré choisir, parce qu'en fait, ils choisissent. Ils préfèrent choisir que l'idée que ces deux sœurs sont deux criminels qui ont prémédité un acte de vengeance social. Bon, malgré toutes les apparences fantastiques de ce geste, plutôt que de s'affronter à l'incompréhensible de ce qui se produit. On ne devrait pas rendre la justice dans la fièvre des après-dîners et des digestions difficiles. Le journal L'Œuvre. Chose étonnante, Isabelle Bedoué, un jour vous recevez dans votre boîte aux lettres un courrier. Oui, j'ai reçu des documents inédits, donc des documents qui n'avaient jamais été publiés, par voie postale en effet. Et en fait, Anne-Ancelin Schusenberger m'a dévoilé qu'elle était la belle-fille de l'expert psychiatre des Sœurs Papin, un des trois experts. Donc on a commencé à échanger fréquemment nos points de vue. Et donc, elle a procédé à de bonnes recherches elle a retrouvé des documents qu'elle m'a envoyés par voie postale. Et donc, ces documents étaient absolument fabuleux, puisqu'il y avait l'expertise préliminaire des experts. Il y avait aussi une correspondance entre confrères, entre Pierre Schusenberger et Louis Le Guillon, qui était aussi psychiatre et expert à l'époque dans d'autres affaires. Qu'est-ce qui vous saisit en lisant ce document ? Ce qui me saisit, c'est qu'enfin, on a sous les yeux ce qu'on a toujours supposé, mais qui n'était pas clairement dit, c'est que les experts psychiatres n'ont pas procédé avec la rigueur avec laquelle ils auraient dû travailler. Par exemple, ils n'ont pas donné leurs sentiments à l'époque sur véritablement ce qu'ils pensaient des Sœurs Papin. Je pense que ils savaient que Christine et Léa étaient folles. Enfin, en tous les cas, il y avait dans leur... Dans les observations, dans ce qu'ils ont pu observer des deux filles, il y avait des éléments en faveur de la psychose. Et même avec l'état d'esprit de la psychiatrie à cette époque-là, on s'imagine bien que deux jeunes femmes qui arrachent des yeux, qui n'expriment aucun remords, aucun regret, qui parlent froidement des choses, ne sont pas sur le rail de la normalité, enfin au sens bien portant du terme. Et quels sont justement les documents qui attestent de ce que vous dites, Isabelle Bedoué ? Alors les documents, ce sont des courriers. Hein. Ce sont des courriers qui sont envoyés d'un collègue à un autre collègue. Et c'est ce que dit Schusenberger à son collègue. Il lui dit « Quel tollé aux assises ! Excusez les papins, c'était gratuitement porté ombrage aux bourgeoises victimes. C'était de la bouffonnerie. C'était la défense de la société bourgeoise d'un des leurs par ses pairs. » Là, Pierre Schusenberger parle de René Lancelin. Et puis, il y a aussi, je cite à nouveau, « Truelle et moi avions bien vu le vrai motif, mais on ne nous le demandait pas et il lui était mal accepté que nous dérogions aux us de la justice. » Au fond, ils n'ont pas donné leurs sentiments à l'époque parce que c'était pas correct par rapport à leurs collègues et leurs amis, hein, parce que le cercle du Mans, quand même, c'est un petit cercle de relations, de gens bien comme il faut. C'était la bonne bourgeoisie mancelle et entre eux, ils se sont défendus. C'était pas un crime de domestique contre le patronat, mais la bourgeoisie avait aussi, enfin, on parle toujours dans ce sens-là, mais la bourgeoisie avait aussi des comptes à régler avec la domesticité, hein. Christine et Léa devaient être condamnées à mort et pour ça, tout a été mis en œuvre pour que ça ait lieu. Il n'était pas question qu'elles échappent à la peine capitale. Demain, le second épisode, l'énigme des Sœurs Papin. Avec Jean Alouche, psychanalyste, Bertrand Ogilvy, philosophe, Frédéric Chauveau, historien, Isabelle Bedoué, auteur. Avec les voix de Anne Stephens et Benoît Marchand. Au mixage, Cédric Châtelu. À la coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Nejma Bouakra et Je libère ici. La suite de l'histoire effroyable des Sœurs Papin, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.